José de rien, par Claude Fée. Le mensonge avait été rondement mené. Il faut dire que Marie Vanderia, après 75 ans d'existence à préparer toutes sortes de mauvais projets, savait entrer en ébullition en gardant la voix ingénue et liquoreuse. Depuis l'élection d'un éleveur industriel à une mairie des environs, voilà qu'elle s'agitait davantage. Plusieurs décennies auparavant, elle avait déjà conspiré pour le retour des corridas. Les arènes de la ville n'étaient pourtant plus un monument depuis bien longtemps. Les pierres du grand mur, au fur et à mesure de leur effritement, avaient servi à consolider celui du vieux cimetière. Le cercle de sable, autour duquel avaient été rafistolés des gradins, était devenu une aire de jeu pour les enfants et les boulistes. On y faisait venir aussi des orchestres et des chorales. La population s'était détournée des supplices taurins. Jadis, le discours de Marie Vanderia pour la reprise des massacres n'avait pas pris. Mais elle n'avait pas renoncé. Avec l'âge, elle s'était mise à crier en chantant des récits épiques, dans lesquels elle glissait des histoires de gloire, de courage, de lumière, d'appel à Dieu, qui camouflaient une envie de bien autre chose. Cet art de l'arrangement était resté sa petite affaire jusqu'à ce que le maire industriel éleveur, M. Lunel, flaire un filon avec des bouchers pour ses élevages, position d'intermédiaire pour les travaux de réfection des arènes, et toutes sortes de juteux bénéfices. Alors, avec emphase, dans les réunions publiques, il copia les propos de Marie Vanderia et il les poussa même jusqu'à parler de mémoire traditionnelle et de nouveauté. Ces propositions sonnaient déjà comme des ordres qui ne s'interrogent pas. Tout était en place. Il suffisait de fabriquer une actualité. Et pourquoi pas une activité ludique pour les enfants? Voyant l'intérêt qu'elle suscitait chez ce maire, l'incendiaire commença à croire à sa chance de relancer les supplices. De fait, elle avait trouvé un complice. Fuyant la guerre civile espagnole, les Lopez étaient venus s'établir dans les baraquements de la ville. Cela faisait maintenant longtemps. Après toutes sortes de déboires, il n'en restait plus à cette époque que deux membres de cette famille, un José d'une dizaine d'années et son frère tout jeune adulte. Le grand répétait souvent à l'intrépide « D'accord, il faut bien un peu se brûler pour comprendre la braise, mais rappelle-toi ce que disait papa, fais attention à toi. » D'expérience, le gamin n'en manquait pas. Si cet impulsif se trouvait parfois malmené, il oubliait aussi vite ses tracas, s'amusait de tout et possédait quelques secrets grandioses. Il donnait en grande pompe du sucre aux fourmis et goûtait le plaisir de maîtriser la grandiloquence des adultes en tirant les sonnettes. Ce jeu, il l'avait fabriqué sur 4 temps, espionner, imaginer, déranger, s'enfuir. Un jour, il fut tout surpris de devoir fournir des explications et s'embourba devant une vieille dame cramoisie sans réaliser que le personnage était dangereux. Car, après l'avoir poussé dans une pièce de sa maison, qui était occupé par son atelier de couture, la chanteuse lui demanda de quel droit il se permettait de la déranger. Est-ce qu'il se rendait compte de son importance? Les yeux renversés, elle évoqua avec des mouvements désordonnés et des bruits de gorge son besoin de clamer la passion. Une cithare, peut-être encore tiède, était posée sur une chaise. Il savait tout ça. Il l'entendait vociférer en passant. C'était même précisément ce qu'il aimait déranger. Mais ce jour-là, pourquoi n'était-il pas reparti à fond de train? Le guettait-elle? En tout cas, elle l'attrape. Il pense s'en tirer par une promesse et se sent prêt à faire un effort pour être sincère. Elle veut plus et l'examine des pieds à la tête avant de s'approcher de lui. « Je te vois regarder les taureaux, il te plaise? Oui, madame. S'il te plaise, tu sais que c'est un cadeau de Dieu. Je ne sais pas. Un cadeau de Dieu, répète l'exalté. Des dieux, j'en connais. Balbutie l'enfant. « Dieu, il n'y en a qu'un. »« Pardon, madame. »« Ne t'excuse pas. Prie pour ta faute. Dieu t'a peut-être choisi si tu aimes les taureaux. »« Car tu les aimes, n'est-ce pas ?»« Oui, surtout les petits. Il y en a qui viennent quand je les appelle. C'est une prière qu'il faut dire, petit. Je te l'apprendrai. »« Approche-toi. Regarde le crucifix. Tu peux l'embrasser en pensant aux taureaux et à moi. Tu sais, j'ai bien connu tes parents. Des braves gens. Des pauvres qui travaillaient dur. » Vous venez d'Andalousie, les Lopez. José n'a pas envie de l'entendre dire quoi que ce soit. au sujet de son père ou de sa mère. Tout à coup, la vieille l'accroche par le bras, le plaque contre elle et déclare « Je savais que tu viendrais. Je passe souvent par là. Je savais que tu viendrais, parce que j'ai connu ta mère et ton père. Petit, je sais qu'ils t'ont parlé de l'habit de lumière. Hein, dis-moi, tu sais ce que c'est l'habit de lumière? Tu t'en rappelles ?»« Je crois que c'est des habits qu'on met et qu'on allume les lampes après. Tu es un taquin, mon José. Tu t'appelles José, n'est-ce pas ?»« Je ne dirai rien à ton grand frère pour la sonnette, mais à une condition. » »« Oui, jure l'enfant. » Que tu reviennes me voir chaque samedi après la messe de 10 heures. Il serait déçu, ton frère, d'apprendre ce que tu fais. Oui, promet José en marchant à reculons avant de déguerpir. Nous voici quelques pages de calendrier plus tard. Cette vieille cousette fait maintenant partie de l'univers des deux fils Lopez. Pourtant, le petit n'est jamais venu après la messe. Alors c'est elle qui est allée frapper chez eux en pleurant la disparition si cruelle à ses yeux de leur mère et de leur père. Marco et José, d'abord embarrassés, finiront par la consoler. Elle déposera en eux une image, exactement comme on fabrique un appât. C'est une femme qui a beaucoup souffert de la vie, et qui a besoin qu'on la laisse faire le bien, même si c'est au-dessus de ses forces. Elle reste parfois longtemps sur le pas de leur porte, et quand ils lui proposent d'entrer, elle psalmodie, en donnant des coups d'œil sur le côté pour vérifier à quel point ce petit auditoire est impressionné. C'est un des moteurs de son cinéma. S'imaginer que les deux frères attendent la découverte d'un trésor enfoui dans ses murmures incessants. Lorsqu'elle prononce mieux, c'est pour parler d'amour, et là, elle fait vraiment peur. Elle fait aussi quelques reproches. Elle a remarqué qu'ils ne disent jamais son prénom. Marie Banderia. Ce n'est pas difficile, et puis, vous n'en connaissez pas d'autres qui s'appellent comme ça. Il sourit poliment, se croit à distance d'elle, mais grâce à toutes ses manœuvres, José et Marco se retrouvent ficelés. Car voilà qu'il lui est venu l'idée de coudre pour José. Marco, un peu lâchement, la remercie quand José, lui, tente une feinte. Il y a une amie de ma tante qui va déjà me faire des vêtements, alors ce n'est pas la peine, mais merci, madame. Et où habite cette amie ou cette tante? À Bayonne, toutes les deux. Belle ville. Mais c'est loin, c'est très loin d'ici. Ton frère a beaucoup de travail et de soucis avec toi. Allons. Elle insiste, avec son menton tremblant. C'est trop loin. Je viendrai te chercher, mon petit, pour l'essayage. Marco croit qu'il ne lui est pas permis de dire autre chose que oui, et il le dit. Alors elle revient. Chaque fois, serrant fort la main de José, dès qu'elle est seule avec lui, elle reparle de la chance qu'il a d'aimer les taureaux. Chez elle, elle lui fait porter un masque, et c'est ainsi que commencent les interminables séances de couture. Une fois, José a l'audace de demander quelle sorte d'habit elle lui fabrique. C'est un grand rire qui lui répond, si bien qu'il n'ose plus recommencer. Il craint qu'elle dénonce la bêtise de la sonnette, et se tient à carreau. Ce qu'il a fait peut être très grave. Il se protège avec un sourire réflexe lorsqu'elle le brusque. Un jour, ils ont de la visite. Il comprend que c'est son propre fils et un monsieur important. Les deux hommes lui posent toutes sortes de questions sur l'amour des taureaux et sur son courage. Il rigole et le plus vieux lui tord le bras au moment de partir. José a tellement mal que les larmes lui viennent, et lorsqu'il demande s'il peut retirer son masque pour se moucher, Marie Banderia fait de même avec l'autre bras pour lui assurer qu'en habit de lumière on ne pleure pas. En leur accompagnant chez lui ce soir-là, le sentant malheureux, elle murmure que bientôt elle parlera de la sonnette à son grand frère. Un autre jour vient, où avant même de lui poser le masque pour l'habiller, elle lui coupe les cheveux et l'exalte à prier intensément pour l'amour des taureaux, qui est un don de Dieu. Il la questionne timidement et reçoit en réponse « Tu vas me suivre d'abord en baissant la tête et ensuite faire ce que je te dis. » Le pantalon qu'elle lui a ordonné d'enfiler le comprime très inconfortablement. Mais il ne bronche pas. Il marche dans la ville. Elle l'a aussi affublé d'une sorte de sombrero qui l'empêche de voir, de se diriger, et donc de comprendre où ils se rendent. Lorsqu'elle lui ôte, elle accompagne son geste d'un coup dans le dos et crie « Montre-toi digne de tes parents, de Marco et de l'habit de lumière. » Il réalise qu'il est dans une arène, au centre. Tout de suite, il remarque un peu plus loin un petit veau qu'il connaît. Il gratte sa patte droite sur le sol. C'est un animal café au lait avec de grands cils qu'il appelle Coco. Le pauvre hoche la tête comme il avait vu le faire tant de fois en agitant sa queue pour chasser les mouches. Mais là, tout est différent. Sa queue reste plaquée. Coco a certainement peur. Le garçon ressent aussi un grand froid qui lui parcourt le dos. C'est comme une flaque glaciale qui se presse entre ses omoplates. Autour, sur les gradins, c'est une foule éparse. Par réflexe, José pointe son index sur la bouche pour que tous se taisent afin de ne pas effrayer davantage Coco. En retour, il entend une joie mauvaise qui pousse à rire certains, puis le plus grand nombre. José sait qu'on torture dans les corridas. Ses parents l'ont mis en garde. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour établir le lien entre l'habit que la vieille a cousu et ce qui lui est demandé. Cela a quand même le goût de la trahison. Mais justement, comment sortir de ce costume de meurtrier? Comment rassurer Coco? Avec des contorsions grotesques, il retire le collant piqué de ce quin qui lui fait mal. Finalement, en slip, il a moins honte. Ça, c'est une force. L'animal s'est approché et ensemble, ils regardent autour d'eux. Est-ce que Marco est là? Dans une tribune, José discerne deux jambes raides en bas noir. La vieille a dû se renverser et on essaye de la rasseoir. Lui, José, se fait maintenant siffler, huer. Il entend même « Tout est foutu !» Lorsque Marie Banderia retrouve son séant, l'enfant à côté d'elle intrigue José. Ce garçon de son âge qui mange une glace en toute innocence, peut-être son petit-fils. Qu'est-ce qu'il fout? Il ne peut pas nous aider, se dit José. Une rage le prend. Il se met à piétiner les lambeaux de l'habit en attendant qu'on les sauve. Il y a encore un remue-ménage dans les gradins et il revoit les deux jambes en bas noir qui signalent une nouvelle renverse de Marie Banderia. Lui cherche toujours des yeux Marco. Son frère voudra le sortir de là, il en est certain. Quand un homme qu'il n'a jamais vu arrive sur la piste et vient vers eux, il porte un grand tissu jaune et rose, un seau décoré avec de grosses flèches dont le bout métallique est fait pour ouvrir une plaie, la déchirer et la soulever. Il les pose près de José, et avec un large sourire se penche vers lui pour lui glisser à l'oreille. « Bon Dieu, petit con, remue-toi! Travaille le veau et que ça dure! Les autres numéros vont arriver! Prends ta chance, fais-nous plaisir !» José se saisit du tissu dont il s'enveloppe avec Coco face à la foule qui s'excite et qui gronde. Cet après-midi avait été organisé autour de la jeunesse et le combat qu'il devait mener contre Coco devait être sanglant, avec une mise à mort à l'écart. C'était un spectacle d'appel. On devait rire d'un veau se faisant torturer par un gosse, car des banderilles plantées maladroitement, ça peut être marrant. Mais ce duo-là, caché sous la cape, complique l'ambiance. Et le timing. D'autres numéros sont prévus, on s'impatiente. Enfin, Marco arrive en courant. Sous les sifflets, il soulève la cape, encore de Coco, et prend son frère par la main. Déjà les voilà en dehors de l'arène. D'instinct, Marco se dirige exactement à l'inverse des indications que leur donne en hurlant M. Lunel, et ainsi, il ne rencontre pas le boucher qui a mission d'égorger l'animal. Dans les rues, José pleure et appelle sa mère. Marco enrage qu'on se soit moqué d'eux. Coco retrouve une assurance dans les pattes. « Où on va aller ?» demande le petit. « Il doit avoir soif, on va descendre au ruisseau. Tu crois, on ne va pas se cacher ?»« Est-ce qu'il y a plusieurs jours que tu ne l'as pas vu dans le pré ?»« Oui, trois. » »« Ils l'ont sûrement isolé avec rien à boire et à manger pour ne pas salir leur putain d'arène. »« Ah, je ne savais pas. Allons vite le faire boire et manger. Mais ils vont peut-être nous suivre. » Mais non, ils sont occupés entre eux. On va pouvoir aller le cacher après. Ils nous accuseront de l'avoir volé. Je voudrais bien voir ça, dit en riant Marco en embrassant son frère et Coco. Quelques jours plus tard, Coco mis en sécurité, Marco reçoit une lettre du comité des fêtes l'enjoignant à s'expliquer. Qu'est-ce qui est écrit? S'inquiète José. Il me demande de rendre le veau. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. C'est un samedi midi que Marie Banderia vient frapper en personne à la porte des garçons. Ses yeux lancent des flammes et d'une voix courroucée, elle répète « Voleur, rendez le veau, vous ne méritez pas la vie de lumière !» Le gendarme, qui est avec elle, est énervé aussi. Lui dit « On le sait que c'est vous, tout le monde vous a vu. Par la fenêtre ouverte, Marco répond calmement. Nous avons vu faire quoi ? Ça. Ça quoi ? Sur le programme du comité des fêtes, à cette date-là, il n'y a rien de marqué. José, que je sache, n'est pas intéressé par la corrida. Ce n'était pas une corrida, monsieur, crie la vieille. C'était quoi ? Un enfant de 10 ans avec un tout petit veau dans une arène, on lui demande quoi ? On n'attend rien de ce vaurien qui tire les sonnettes. Monsieur l'agent, pour nous reprocher quelque chose, il faut savoir quoi, vous êtes d'accord ? L'entrevue se conclut sur cette perplexité, mais la semaine suivante, c'est le maire d'à côté qui vient. En éleveur, il commence par le prix. Vous devez 2 000. De quoi vous parlez ? Le veau. J'avais demandé au boucher de me le préparer. Où est-il marqué dans votre programme que mon frère est avec un veau ? Lui pique des banderies sur le dos et ensuite le passe au boucher pour qu'il l'égorge derrière l'arène. Où c'est mentionné ? C'est marqué, mais pas comme ça. Ça s'appelle intermède traditionnel. Rien ne précise en quoi ça consiste. C'est une chance extraordinaire offerte à un jeune. Dans le pays, on vous aime bien. Pourquoi, mon frère ? Je ne comprends pas. Nous, on aime bien les petits gars comme vous. C'est pour ça qu'on veut leur donner leur chance. Tenez, voici la facture du veau que vous devez. Marco prend le papier et poursuit. Oui, je vous demande pourquoi mon frère est pas le vôtre, ou le fils d'une famille encore plus riche. José ne vous a rien demandé. Pourquoi lui infliger ça ? C'est parce qu'il est orphelin, peut-être ? C'était sa chance. Vous, les pauvres, vous ne comprenez rien. La corrida en crèvera de ça. Ah, ça c'est sûr. Monsieur Lunel, tenez, entrez si vous voulez. Mais non. Eh, qu'est-ce que vous faites de la facture ? Vous la chiffonnez ? Oui, monsieur Lunel. Je vais allumer une bonne flambée avec. Regardez, entrez. Mes amis sont là. Que des pauvres, que vous aimez tant. Et on va faire une sacrée fiesta. Parce que, comme vous le dites très bien vous-même, elle est finie, la corrida. Ainsi s'achève José de Rien, par Claude Fée.